Même les jours fériés, on est là. Fun Radio. Fun Radio. Le son Dance Floor. Bruno dans la radio. Allô ? Christophe. Oui ? Salut Christophe, quel est le seul animateur radio qui n'ait pas eu tes factures ? Bruno sur Fun Radio. Ouais. Tu m'as envoyé une facture de 106 euros et c'est du matos DJ. Oui. C'est-à-dire, tu fais un petit peu de mix le week-end ? Je fais un petit peu de mix comme ça le week-end avec des potes, puis c'est une passion, quoi. Christophe, la facture de ton matos DJ, je te la rembourse, on t'envoie le chèque très vite. Merci beaucoup. Chaque matin, à 6h10, 7h10, 8h10, Bruno paye vos factures sur Fun Radio. Le son Dance Floor. La question du jour avec Carrefour. Et un message de Christian, quand le prix des carburants est au plus haut, bah pas facile de trouver le moins cher. Yannick, employé dans une station-service Carrefour ? Eh bien nous, on vous garantit le prix le plus bas sur les carburants hors GPL dans nos stations hypermarchés. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence. Maintenant, Christian, vous savez où faire le plein. Carrefour, les prix bas, la confiance en plus. Remboursement pour un écart de prix constaté le jour de l'achat dans un rayon de moins de 5 km. Modalité et station-service participantes sur carrefour.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Salut, c'est Karel de la Libre Antenne sur Fun Radio. Salut, moi c'est Tony. Hey Tony, si je te fais écouter ça, qu'est-ce que ça représente pour toi ? C'est Tropico ! Waouh ! De la fraîcheur, de l'exotisme, des fruits ! Eh ouais, Tropico revient en force, en grande surface. Et pour fêter ça, retrouvez-nous ce soir dans la Libre Antenne. On a retrouvé Coco et vous allez jouer avec lui pour gagner des iPods et un iPad. Retrouvez aussi les aventures de Coco sur facebook.com/Tropico. Fun Radio présente la Swedish House Mafia. Swedish House Mafia. Pour la première fois en France. Le vendredi 6 juillet pour Nice Party. Onika Yasta, Charles Herman de Nice. Retrouvez les 3 DJ superstars de la Swedish House Mafia. Pour un live exceptionnel. Infos et réservations, funradio.fr, livenation.fr et point de vente habituel. La Swedish House Mafia. En live au Nice Party. C'est vendredi 6 juillet avec Fun Radio. Le son Dance Floor. Moins 50% sur les produits qui font plaisir. Du 24 avril au 6 mai chez Intermarché, le pack de 8 perles de lait Yoplait Nature, 8 x 125 grammes, soit 1 kg, est à 2,75€, avec 50% en avantage carte, soit 1,38€. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Conditions et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. Mmh. Quoi ? Du beurre dans les pâtes ? Bien sûr, moi, c'est trop bon. Faut pas que tu crois à tout ce qu'on dit. Et puis ça au moins, c'est 100% naturel. Ma fourchette ? Bah prends tes doigts, c'est plus naturel. Le beurre, provocateur de goût. Campagne financée avec le concours de l'Union Européenne, de la France et du CNIEL. Yo, what up? This is Fun. Fun Radio. Fun. My favorite station. Fun Radio. Let's on dance floor. I'm only playing. Radio. David Guetta et Chris Brown. I can only imagine. Salut, c'est David Guetta sur Fun Radio. La radio de vos stars préférées, c'est Fun Radio. Le son, dance floor. Where you been? Where you been all my life? Oh, la república. Puro ron con maturación que batería alcalina. A ti felina te pongo en disciplina. De Italia, China, de París a Filipinas. Ya no hay salida, el cuduro te domina. El cuerpo te anima como cafeína. Rompiendo bocinas al que te asesina. Si fuera piscina, yo fuera un buzo. Aunque no me inviten, seré tu intruso. Si inventaste cruzo, yo siempre abuso. Este es mi trono, se hace intruso. Arráncate que te pica. Tú le das, yo le doy como Rita. Mamita, primera vista. Te quiero pa' cositas ricas. Courage à tous ceux qui taffent, c'est Fun Radio. Fun Radio. Le son Dance Floor. Et les autres, j'espère que vous profitez bien de cette journée, que vous vous en gavez entre potes, avec la famille peut-être, et sur Fun Radio en tout cas. On va tous démarrer ensemble, plus de 40 minutes de son Dance Floor non-stop. Il y a du lourd qui arrive, Bob Sinclair, Martin Solveig, et un tube découvert sur Fun Radio, celui de Rio, voici Animal. Fun. Fun Radio. Le son Dance Floor. Du dimanche au jeudi, 21h minuit, c'est la libre antenne de Carrel sur Fun Radio. Chaque soir, c'est une pluie de cadeaux dans le jeu de Tony. Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Oui, c'est le jeu de Tony. Attention, premier son, dès que vous avez la réponse, vous criez votre nom. Rendez-vous à 22h30 dans le jeu de Tony pour gagner un iPad et un an de Tropico. C'est qui gère le jeu, merde ? Je t'ai demandé ton avis, je t'ai demandé ce que t'as bouffé ce soir. Ça se gagne tous les soirs dans la libre antenne de Carrel. 21h minuit sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Pour plus d'infos sur Tropico, retrouvez les aventures de Coco sur facebook.com/Tropico. Vous avez aucune culture, merde, dans ce jeu. Quoi ? Du beurre dans les pâtes ? Bien sûr, moi, c'est trop bon. Faut pas que tu croies à tout ce qu'on dit. Et puis ça, au moins, c'est 100% naturel. Ma fourchette ? Bah, prends tes doigts, c'est plus naturel. Le beurre ? Provocateur de goût. Campagne financée avec le concours de l'Union Européenne, de la France et du CNIEL. La question du jour avec Carrefour. Et un message de Christian. Quand le prix des carburants est au plus haut, bah pas facile de trouver le moins cher. Yannick, employé dans une station-service Carrefour ? Eh bien nous, on vous garantit le prix le plus bas sur les carburants hors GPL dans nos stations hypermarchés. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence. Maintenant, Christian, vous savez où faire le plein. Carrefour, les prix bas, la confiance en plus. Remboursement pour un écart de prix constaté le jour de l'achat dans un rayon de moins de 5 km. Modalités et stations-service participantes sur carrefour.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Chérie, tu préfères un voyage offert ou une cuisine remboursée ? Moi, je préfère aller chez Hygena. Du 2 mai au 16 juin chez Hygena, c'est moins 50% sur toutes les cuisines et chaque semaine à gagner, un voyage ou une cuisine remboursée. Nouvelle cuisine, nouvelle vie, le nouvel Hygena, c'est ça. À partir de 790 euros d'achat de meubles de cuisine, conditions en magasin, retrouvez votre magasin le plus proche sur hygena.fr. Non, chérie, tu lâches ça immédiatement. Mais fais-moi voir tes t-shirts. Oh, mais t'avais qu'à venir chez Sport 2000. Deux t-shirts achetés, le troisième est offert. Quicksilver, Adidas, Nike. Mais c'est des t-shirts de sport. Mais tu dis ça parce que tu les as pas vus. Moi, j'appelle ça de la mode. En ce moment, chez Sport 2000, ce sont les jours 3 pour 2. Deux produits achetés, le troisième est offert. Offre valable sur une sélection d'articles, voire conditions dans les magasins participants et sur sport2000.fr. Sportif. Ouais, ça te va bien, toi et ta mode. Sport 2000, le sport. Mais pas que. Leclerc. Philippe, d'où il sort ce Blu-ray d'Avatar ? Leclerc, 30 euros les 3 Blu-ray. 10 euros le Blu-ray. Et oui, et avec Avatar, j'ai pris le Blu-ray de Columbiana et celui de X-Men. Génial ! Oui, ça sent bon la petite soirée en famille, ça. En plus, je crois que maman n'est pas là ce soir. Oh, le pire. Du 25 avril au 5 mai, les 3 Blu-ray disques achetés parmi une sélection de divers titres sont à 30 euros, soit 10 euros l'unité. Faut modalité dans la magasin participant. Bon, 3 Blu-ray, 30 euros, c'est cool, mais du coup, pour ce soir, t'as une préférence ? J'hésite entre Avatar et Avatar. Les enfants, je crois qu'on va regarder Avatar. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Partout dans le monde, sur funradio.fr. Fun Radio. Fun. C'est ça. Radio. Fun. Le son dance floor. The birds sing. It's a sign he's giving me. Everything will be okay. Sometimes when I wake up and I'm wondering how my life would have been if I didn't sing, I get a little stressed out every now and then. The problems come and problems go when I'm around him. Blessed in the morning, blessed in the evening. Minutes de son dance floor non-stop uniquement sur Fun Radio. Fun Radio. Like an animal on the dance floor, silent murderer haunting after ya. She's untamable, but you never know. Make one move, she'll run out of control. Come on, danger girl. Let me volunteer, I'm all bulletproof. Let's get out of here. Shawty, you're the one, but incognito. Cue the lights, let's get loose on the floor. She's related, I wanna know. Kinda chick, out of control. She's a diva and she knows why the club goes wild. She's an animal. Animal to make your move. She's creeping in through your back door. Silent killer queen, looking out for ya. She's invincible, never let you go. Cause tonight she'll be out on patrol. Come on, danger girl, let me volunteer. I'm all bulletproof, let's get out of here. Shawty, you're the one, but incognito. Steal the night, let's get loose, give me more. Party animal. Got a racket for the love of those tastes. Yeah, it's no crime, gonna make you bite. But I'm kryptonite. I raise a tongue, I load a gun. That's all I need to put the party at no more. Fun Radio, Fun. Greg Paris, The Girl Is Mad. Fun. Fun Radio, le son dance floor. Fun. Elle est garantie, zéro défaut. Elle a tous ses clairs, y'a pas de défaut. Elle est très fashion en mode rasta. Elle est sexy chambée comme Rihanna. J'avoue, elle a un côté bimbo. Elle s'en fait tous les mythos. Qui attendent de gagner au loto. La mise veut profiter de la vie, je le sais. Et trinquer au champagne à Saint-Tropez. La mise veut s'éclater et rêver, je le sais. Et danser sur la plage tout cet été. The girl is Ha ha ha. sur Fun Radio avec plus de 40 minutes de son dance dans le shop. Et tout à l'heure dans le clash, vous allez pouvoir choper votre tablette numérique Motorola pour vous inscrire 3228. Venez défendre vos sons et vos artistes préférés comme Bob Sinclair, que je vous joue après Martin Solveig de DJ Fun Radio. Let's go! découverte Fun Radio. Fun. Ocean Drive, whatever. Fun Radio. Fun. Le son. Dance Floor. C'est bien de cette journée chômée sur Fun Radio. Demain, retour au taf. Par contre, bonne nouvelle, retour de Bruno dans la radio dès 6h avec notamment en 7h20 le jeu du à gagner, des tablettes tactiles Motorola et sur Fun Radio le son Dance Floor de la superstar Fun Radio Nicki Minaj. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give two I'm shit. On the floor. Can't stop, 'cause we're so high. Let's do this one more. Radio. Sunset Fiesta. Fun Radio. Le son Dance Floor. Et ce qui est bon également sur Fun Radio, c'est que tous les soirs vous retrouvez Kael et la Libre Antenne dès 21h, les gros délires du cadeau. Loupez pas le rencard, hein, tout à l'heure, et avant ça je continue avec vous. Plus de 40 minutes de son dance sur le sub. Il y a un nouveau son de la Swedish House Mafia qui arrive. Et David Guetta, le DJ Superstar, DJ Fun Radio. Memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey, hey, hey. Memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight. Those would be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey, hey, hey. Yeah. Fun Radio. Vous écoutez Fun Radio, la radio de vos stars préférées. La preuve, la Swedish House Mafia a choisi Fun Radio pour cette fameuse soirée qui va se tenir à Nice. Vous pouvez prendre vos places maintenant sur funradio.fr. Et on l'écoute maintenant, la nouvelle tuerie de la Swedish House Mafia, bien fort sur Fun Radio. radio, Fun. C'est ça. Fun Radio. Le son dance floor. I only miss you when I'm breathing. I only need you when my heart is beating. You know you're coming back to me. And I will be waiting here for you till the end. I only miss you when I'm breathing. Pictures of you leaving on these four walls and on the ceiling. I'm still alive, hope there's a reason. Can't move my lips, but my heart is screaming. I only miss you when I'm breathing. Please don't break my heart. Please don't break my heart. merci d'avoir choisi Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son Dance Floor. Et je comprends que vous kiffez, puisqu'ici je viens de vous jouer plus de 40 minutes de son Dance Floor. On va mettre ça super vite avec des DJ Fun Radio. Il y a Mike Ennis, Michael Mind. Et puis la superstar Fun Radio, vous avez découvert son tube chez nous. Le clip d'ailleurs est dispo depuis hier. On vous l'a mis sur funradio.fr. Voici Rihanna sur Fun Radio. Fun, Fun Radio. Le son Dance Floor. Come on. Yeah. Fun Radio vous envoie à la rencontre des plus grandes stars de la planète. Bonjour, c'est Lady Gaga. What they do, what they don't, it's that little chico pitbull. On Fun Radio. À tout moment de la journée, dès que vous entendez le double fun. Double fun. Avec un tube de pitbull. Dale. Et de Lady Gaga à la suite. Soyez les premiers à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez voir la superstar de votre choix en concert. Pitbull. Pitbull. Lady Gaga. Ou Lady Gaga. Fun Radio. La radio des plus grandes stars de la planète. This is Fun Radio. Le sound dance floor. Tu préfères un voyage offert ou une cuisine remboursée? Moi, je préfère aller chez Iéna. Du 2 mai au 16 juin chez Iéna, c'est moins 50% sur toutes les cuisines et chaque semaine à gagner un voyage ou une cuisine remboursée. Nouvelle cuisine, nouvelle vie, le nouvel Iéna, c'est ça. À partir de 790 euros d'achat de meubles de cuisine, conditions en magasin, retrouvez votre magasin le plus proche sur iéna.fr. McDonald's présente les mercredis à croquer. Tu sais pourquoi la pomme et le raisin se tiennent par la main pour aller chez McDo? Non, pas pour pas se paumer. Ça s'arrange pas. Hein. Les mercredis à croquer, c'est tous les premiers mercredis du mois chez McDonald's. Un sachet de fruits offert pour l'achat d'un menu Happy Meal. Mercredi prochain, découvrez pomme raisin, durée limitée. Et c'est chez McDonald's. Salatatata. Fun Radio. Fun Radio présente la Swedish House Mafia. Swedish House Mafia. Pour la première fois en France. Le vendredi 6 juillet pour Nice Party. Onika Yasta, Charles Herman de Nice. Retrouvez les 3 DJ superstars de la Swedish House Mafia pour un live exceptionnel. Infos et réservations, funradio.fr, livenation.fr et point de vente habituel. La Swedish House Mafia en live au Nice Party, c'est vendredi 6 juillet avec Fun Radio. Le son Dance Floor. Leclerc, vous savez que vous achetez moins cher. Allô chérie? Oui quoi? Je suis toujours chez Leclerc et sur la liste, tu me mets nettoyant ménager Ajax. Bon super, 50% de réduction immédiate sur le deuxième acheté. Oui bah quoi? T'as une préférence? Citron, eucalyptus, frais, parfum agrumes, vert, antibactérien? Du 25 avril au 5 mai, pour l'achat de 2 nettoyants ménagers Ajax de 1,25 litre, 50% de réduction immédiate sur le deuxième acheté. Faut modalité dans le magasin participant. Vert, antibactérien, vert jaune ou bleu? Tu prends celui que tu préfères. De toute façon, c'est toi qui fais le grand nettoyage de printemps, il me semble. On est déjà le printemps. C'est dingue ça. La première radio qui vous l'a joué, c'était Fun Radio. Rihanna, where have you been? Hi, this is Rihanna on Fun Radio. La radio de vos stars préférées, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. I've been everywhere, man, looking for someone. Someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, baby. Searching for you, babe. Fun Radio. And my phone at home. I'm en route to a different time zone. You can catch me in the club with my flip-flops on. Like, hey, girl, what's your name? I'm B.A., girl, quit your playing. We'll pop champagne, we'll spray all day. Then wake up on the beach, hey. I wanna get away. Just take me to another place. We'll have a better day. Just leave it all up to me. Copacabana in the sand. Drink in my hand. Beautiful women all around me. Good Lord, hot damn. Damn, damn, damn, damn. Bobby Anthony. Last night was oh so crazy. At least what I remember. This place is hot as AZ. And it's mid-December. Warm nights, holidays. Lose that shirt, girl, let's get cray. Warm nights, holidays. Lose that shirt, girl, let's get cray. My favorite DJ's at the hottest club tonight. And you best believe that I'ma be on stage doing it right. Right. My favorite DJ's at the hottest club tonight. And I'm looking fresh, so let's go. Brasil, te amo. Supermodels spending money up like we all won the lotto. Rio, Rio, Rio. Nouvelle bombe, new music, découverte Fun Radio, les jumeaux. Elle me donne chaud. Fun Radio, le son Dance Floor. Laisse-moi choisir ton sort, viens avec moi. Radio. Fun Radio. Merci d'écouter Fun Radio. Fun Radio. La Sun Dance Floor. Un jour férié, il est là quand même, c'est ça qui est beau. Salut Greg. Oui, bonjour à toi, bonjour à tout le monde. Et je suis là avec les tablettes Motorola, donc ça va quoi. Oui. À gagner à partir de 16h dans le Clash 3228 pour vous inscrire. On défend qui aujourd'hui, Greg, dans le Clash? Qui on veut, on appelle 3228. Et on s'inscrit quoi? Voilà. Tout ça avant 16h et sur Fun Radio, plus de 40 minutes de son Dance Floor Stop. On est reparti là. Rio, Basto et Havana Brown, un bon jour férié à vous. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Vous écoutez et défendez vos stars préférées tous les jours dans le Clash. Sur Fun Radio. C'est très simple, vous venez défendre vos artistes préférés, vous repartez avec du cadeau qui déchire. Cette semaine, jouez et gagnez la nouvelle tablette tactile de Motorola. La Xoom 2 Media Edition. La tablette puissante, légère et idéale pour le multimédia. C'est lui ou celle qui a le plus de voix aujourd'hui, c'est Florian de Valenciennes, c'est gagné, bravo. Merci. Ça se gagne dès 16h dans le dans le Clash. Sur Fun Radio. Le son dance floor. Chérie, tu préfères un voyage offert ou une cuisine remboursée? Moi, je préfère aller chez Iéna. Du 2 mai au 16 juin chez Iéna, c'est moins 50% sur toutes les cuisines et chaque semaine à gagner, un voyage ou une cuisine remboursée. Nouvelle cuisine, nouvelle vie, le nouvel Iéna, c'est ça. À partir de 790€ d'achat de meubles de cuisine, conditions en magasin, retrouvez votre magasin le plus proche sur iéna.fr. Moins 50% sur vos produits de beauté. 50%? Mais où ça? Chez Intermarché. Du 24 avril au 6 mai, bénéficiez jusqu'à 50% en avantage carte sur toute une sélection de produits cosmétiques. Génial! Mes produits de beauté à prix très bas, je n'attendais que ça. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Conditions et magasins participants sur intermarché.com. Avec Phytobronze, la cigale s'étant préparée au soleil, se trouva dès les beaux jours pourvue de couleurs sans pareil. D'un bronze et sur peau joliment préservée, d'un lot de deux Phytobronze, elle avait en plus bien profité. En pharmacie et parapharmacie, Phytobronze, laboratoire Arcopharma. Leclerc. Philippe.

run em. Run em. Brushing past me all over my skin. Run them. Run them. Run them. Fun radio. Le son dance floor. C'est Fun Radio. Le son dance floor. Pas la peine de trop danser, fais juste comme moi, reculer, avancer, bouger les bras, claquer des doigts, suis mes pas, et si tu suis pas, c'est pas la peine. We'll be right back. monde. New music. Découverte Fun Radio. Calvin Harris et Neo. Hey, what's going on everybody? This is Neo on Fun Radio. Let's go. La radio de vos stars préférées, c'est Fun Radio. Let's on dance floor. Let's go. Make no excuses now. I'm talking here and now. I'm talking here and now. Let's go. Your time is running out. I'm talking here and now. I'm talking here and now. It's not about what you've done. It's about what you do. Sur Fun Radio, c'est Greg avec vous. C'est une belle journée car elle est fériée et on en profite, j'espère, ensemble avec plus de 40 minutes de son dance non-stop avec de beaux cadeaux dans le clash chez vous qui allez jouer, j'espère, au 32-28. On vous accueille bientôt, le temps de se faire Chris Brown et Rihanna juste après le son de DJ Antoine sur Fun. Bienvenue! De 40 minutes de son dance floor. Non-stop. Turn up the music cause the song just came on. Turn up the music if they try to turn us down. Turn up the music, can I hear it till the speakers blow? Turn up the music, fill your cup and drink it down. You're sexy and you know it, put your hands up in there. Put your hands up in there. Rio, Body Banger, c'est plein de bons sons ça et vous allez les entendre très vite sur Fun Radio. Le Clash avec Greg sur Fun Radio. Mais oui, il y a de la bonne musique pour vous et puis il y a des bons cadeaux puisqu'on est dans le Clash. On se retrouve comme chaque jour entre 16h et 19h sur Fun Radio. Vous êtes chaud, j'imagine, pour nous appeler là. C'est férié aujourd'hui, voilà, le 1er mai, donc on a le temps de téléphoner à Fun Radio 3228, de choisir ses artistes et de repartir avec une tablette qui déchire, la Motorola Xoom 2 Media Edition, avec son écran de 8,2 pouces pour être précis. Elle est très légère, moins de 400 grammes. Elle est équipée du dernier Android, le Android Honeycomb, comme on dit. Donc voilà, vous pourriez kiffer avec cette tablette, donc ne vous gênez pas. Appelez le 3228, c'est Mickaël comme tous les jours, même la fête du travail. Voilà, même les jours fériés, salut Greg. 3228, venez vous inscrire. Et venez défendre, tiens, pourquoi pas Jason Derulo avec Briefing. Ou alors les Global DJs. Un son bien club, bien puissant, hardcore vibes. Face à Jason Derulo, Briefing, bon voilà, vous de choisir, prenez le temps, c'est férié, voilà, mais bah, dépêchez-vous vite quand même là, dépêchez-vous, on a des surprises parfois les jours fériés au standard. 32-28, c'est parti, j'ai promis du Florida, du Rio et du Body Bangers, donc on y va, voici le son de Fun Radio. One more time, Body Bangers, belle fin de journée à vous sur Fun. Let's go. Till we see the light, we don't wanna have no trouble. We just came to lose control. Throw one more time, I just came to let it go. Yeah. Elle s'est rapprochée, on s'est enlacée. Florida, Wild One ou encore Rio Animal. Ces deux sons terribles pour profiter de ce jour férié avec Fun Radio. Le Clash avec Greg sur Fun Radio. Et en plus, on joue au Clash pour vous offrir la tablette Media Xoom Media Edition, la Xoom 2 Media Edition. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 3028. Il y a Kathleen qui a déjà fait ça. Bonjour Kathleen de Marseille. Bonjour Greg, salut Mickaël. Kathleen est déléguée médicale, elle a même rencontré son chéri en lui vendant du matériel médical. Oui, tout à fait. En fait, on avait pris rendez-vous. Moi, je vends des tables de massage de kiné. Et donc, du coup, je le trouvais mignon. Il avait ma carte de visite, on s'est rappelé. Et voilà, on vit le grand amour depuis 7 ans maintenant. Magnifique. Avec une petite fille. Voilà. Et bah, terrible après la table de massage. Donc, c'est la tablette tactile qu'il va falloir gagner. La Motorola Xoom de Media Edition. Pour ça, bah, pour, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut choisir pourquoi pas Jason Derulo. Jason Derulo qui est là avec Briefing. Ou sinon, je te propose autre chose. Kathleen, il y a aussi les Global DJs. Moi, je prends les Global DJs. Eh ben d'accord, ben voilà, t'as 15 secondes pour le défendre, pour dire ce que tu veux sur Fun Radio, pour nous convaincre. Est-ce que t'es prête, Kathleen? Ah oui, avec la pêche. Et avec la pêche, vas-y, on y va. Alors salut à tous, moi c'est Kathleen de Marseille. Si vous aussi vous êtes fêtard avec le sourire, que vous écoutez Fun toute la journée, venez vous déhancher avec le son de Global DJ sous le soleil et la bonne humeur du sud. Votez pour Kathleen afin que je puisse repartir avec la tablette pour ma fille. Votez Kathleen sur Fun Radio 3228. Le Clash, yeah. Sur Fun Radio. Dance floor, silent murderer, haunting after ya. She's untamable, but you never know. Make one move, shooting out of control. Come on, danger girl, let me volunteer. I'm all bulletproof, let's get out of here. Shawty, you're the one, but incognito. Kill the lights, let me loose on the floor. Out of control. She's a diva and she knows why the club goes wild. She's an animal. She's a lady I wanna know. Kinda chick out of control. She's a diva and she knows why the club goes wild. She's an She's creeping in through your back door. Silent killer queen, looking out for ya. She's invincible, never let you go. Cause tonight she'll be out on patrol. Come on, danger girl, let me volunteer. I'm all bulletproof, let's get out of here. Shawty, you're the one, but incognito. Steal the night, let's get loose, give me more. Fun Radio. Fun. C'est ça. Fun Radio. Fun. Le son dance floor. Dance floor. I'm falling. C'est Greg sur Fun, mais oui, je viens de vous passer plus de 40 minutes de son dance floor non-stop, on va remettre ça ensemble très vite. Fun Radio. Le son dance floor. On a un temps à peu près correct, presque partout, donc voilà, on en profite ensemble de ce mardi férié avec tous vos sons préférés, avec le nouveau Usher aussi produit par Max Martin. C'est qui celui-là? C'est un mec qui fait des tubes en général, et c'est le cas pour Scream, le nouveau son de Usher que Fun Radio vous a fait découvrir en premier. Bah, il va arriver là, il y aura les Global DJs aussi juste avant, avec Bring It Back sur Fun Radio. À tout de suite. Fun Radio, le son dance floor. Plan d'Elio, t'as appelé Eva Jolie, hein, vous allez la reconnaître à l'accent, hein, forcément. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ça vous amuse de jouer au perroquet? Ça vous amuse de jouer au perroquet? Bonne idée, ça dit qu'on serait à finir, mais ça t'en roof, hein? Afdid afternoon, et afdernoon roofin, et afdernoon roofin! Scheiße, oui, scheiße! Nix de foon! Crac! Quelqu'un sait ce que ça veut dire? Scheiße, ça veut dire merde, hein, ouais, c'est sûr. Nix de foon, je veux pas te dire. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Fun Radio. La question du jour avec Carrefour. Et un message de Christian, quand le prix des carburants est au plus haut, bah pas facile de trouver le moins cher. Yannick, employé dans une station-service Carrefour? Eh bien nous, on vous garantit le prix le plus bas sur les carburants hors GPL dans nos stations hypermarchés. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence. Maintenant Christian, vous savez où faire le plein. Carrefour, les prix bas, la confiance en plus. Remboursement pour un écart de prix constaté le jour de l'achat dans un rayon de moins de 5 km. Modalité et station-service participantes sur carrefour.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Showroomprivé.com présente. À plus de 100 à l'heure, une petite robe à fleurs, en deux temps, trois mouvements, un joli cardigan, et pour un prix mini, vite, une blouse en or canté. Une seule adresse, en somme. showroomprivé.com. Désormais, profitez du nouveau service de livraison en 24 heures sur les ventes, demain chez vous. showroomprivé.com, il est urgent de se faire plaisir. Leclerc. Philippe, d'où il sort ce Blu-ray d'Avatar? Leclerc, 30 euros les 3 Blu-ray. 10 euros le Blu-ray. Et oui, et avec Avatar, j'ai pris le Blu-ray de Columbiana et celui de X-Men. Génial. Oui, ça sent bon la petite soirée en famille, ça. En plus, je crois que maman n'est pas là ce soir. Oh, le pied. Du 25 avril au 5 mai, les 3 Blu-ray disques achetés parmi une sélection de divers titres sont à 30 euros, soit 10 euros l'unité. Enfin, modalité dans les magasins participants. Bon, 3 Blu-ray, 30 euros, c'est cool, mais du coup, pour ce soir, t'as une préférence? J'hésite entre Avatar et Avatar. Les enfants, je crois qu'on va regarder Avatar. La première radio qui vous l'a joué, c'était Fun Radio. Hey, we're Global DJs on Fun Radio. Global DJs, bring it back. La radio de votre tube préféré, c'est Fun Radio. Fun Radio. Le son, dance floor. Sur Fun Radio. Fun Radio, my radio. Usher. Scream. If you wanna scream, yeah. Yo, what up, this is Usher on Fun Radio. Yeah, man. La radio des plus grandes stars de la planète. C'est Fun Radio. Fun Radio, the Sundance floor. I see you over there, so hypnotic. Thinking about what I do to that body. I get you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Got no drink in my hand, but I'm wasted. Getting drunk, all the thought of you naked. I get you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Oh, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. And I try to fight it, to fight it. But you're so magnetic, magnetic. Got one life, just live it, just live it. Now relax and get on your back. If you wanna scream, devil eyes telling me, come and get it. I'll have you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Oh, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Girl, tonight I'm the prey, I'm the hunter. Take you here, take you there, take you under. Imagine me whispering in your ear that I wanna take off all your clothes and put something on ya. Dance floor. It's Zachary. Hear me, brand new tune. Represent tonight. Don't get it all the way. Elle m'a coupé le souffle, premier rendez-vous. Quand elle s'approche de moi, je crois devenir fou. Elle guérit mon cœur, je n'ai vu qu'elle. Fait battre mon cœur et m'entraîne. Et elle. radio. Far East Movement et LMFAO. We are